Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble presque en direct, hein, pour pas dire complètement indifféré, jusqu'à 23h sur les ondes donc, de Radio Béton, également disponible sur le player internet. Vous aurez possibilité de nous retrouver via notre petit blogspot Hellbanger Radio Show. À partir de demain, lundi, en fin de journée. Vous l'aurez certainement noté, le titre d'ouverture n'est pas le générique habituel, puisqu'on a choisi tout au long du mois de mars de rendre hommage à un grand musicien qui nous a quittés au début de la semaine dernière, donc soit la veille du jour où j'enregistre l'émission, monsieur Lars Gorein Petrov, notamment vocaliste emblématique du groupe de death suédois Entombed. Ça faisait quelque temps qu'il se battait contre un cancer bien merdique, et malheureusement un cancer qui lui a été fatal. Décédé tout juste à l'âge de 49 ans, alors que, tout comme Alexis Layo en fin l'année dernière, il avait encore beaucoup de choses à dire, à écrire et d'émotions à nous faire partager. Petrov, c'est... pour nous, Sylvain et moi, on va dire, un Zikos emblématique qu'on a largement apprécié. Moi, je suis marqué par les premiers albums de Entombed, même si j'ai toujours eu plus de sensibilité pour les dernières sorties studio, on va dire, puisque c'est vraiment à partir du moment où j'ai vu Entombed sur scène que ça a été une révélation. Donc j'ai forcément creusé ce qui s'était passé avant dans leur discographie, mais j'ai toujours été ultra fan de ce que pouvait proposer le groupe sur CD et encore plus sur scène. On est assez complémentaires avec Sylvain dans l'appréciation de la discographie d'Entombed. Et ensuite, on intègre Thibaut dans ses discussions, et lui, il a presque fonctionné à l'envers en découvrant d'abord Firespawn sur scène, puis Entombed, et avoir creusé le travail proposé. On peut, dans cet hommage, hein, rendre faire un clin d'œil à l'ensemble de la discographie de Lars Gorein. Il a commencé très très jeune, hein, il avait une petite quinzaine d'années en 1987, j'étais même pas encore né à l'époque. Il était batteur dans un groupe dans lequel on pouvait également retrouver Dead, avant qu'il n'aille rejoindre Mayhem. Puis en 1988, l'année suivante, il a rejoint Nihilist, qui en 99 est devenu Entombed. Il a bien sûr enregistré tous les albums de Entombed, sauf l'album Clandestine, sorti en 91. Pour différentes histoires internes, il a quitté le groupe suite à la sortie de Left and Path. Il est revenu en 92. Entombed a sorti régulièrement des albums jusqu'en 2007, l'album Serpent Saints, qui pour moi est, comme tous les autres, un recueil de tubes. Après, ça a été un peu le calme, puisque Entombed a connu des problèmes d'utilisation du nom, avec des anciens Zikos. Le groupe est revenu en studio 7 ans plus tard, sous le patronyme Entombed AD, et la qualité était bien sûr toujours au rendez-vous. Et Firespawn, ensuite en 2015, pour nous proposer un death suédois un peu studio comme sur scène, puis un mec qui avait toujours la banane, enfin, un truc qui nous a vraiment marqué au fil des hommages qu'on a pu voir défiler sur les réseaux sociaux. Ça a vraiment attiré des émotions de la part de Zikos de toutes les scènes extrêmes, heavy, internationales. Et en fait, au niveau des orgas, des différents Zikos, tout le monde disait, mais... En fait, Lars Gorein, au final, c'était juste un type super cool. tout, voilà, tout le temps la patate, tout le temps prêt à déconner, tout le temps aimable, poli, chaleureux. Et en fait, on a un peu l'impression d'avoir perdu un pote qu'on croisait une fois de temps en temps en concert, en festoche, avec qui on kiffait passer du temps. Et c'est un mec qui nous a abreuvé, qui a marqué la scène death metal de son empreinte vocale et de l'aura death metal qu'il dégageait. Donc voilà, repose en paix, repose tout en puissance, Lars Goran Petrov. Et voilà, But Lives Goes On, extrait bien sûr de l'album Left and Past de 90, c'est ce qui nous a permis d'ouvrir l'émission de ce soir. Et on s'en écoutera tout au long du mois. Voilà, sans dire qu'on va donner dans le larmoyant, mais enfin voilà, c'est vraiment une perte qui nous touche, hein, nous, aficionados de métal et d'autant plus de métal extrême. Enfin bref, on entame la diff classique de ce soir avec une doublette de nouveautés et pour le coup une ouverture suédoise avec The Crown, excellent groupe de mélodies trashisant qui nous vient de Suède. The Crown sort son nouvel effort studio 3 ans pile poil après Cobra Speed Venom. Voilà, l'album est prévu donc le 12 mars et donc déjà disponible. Voilà, toujours une recette bien efficace à défaut d'être originale, donc ça s'écoute très très bien, The Crown. A noter que ce nouvel effort studio s'appelle Royal Destroyer, une sortie chez Metal Blade. Et dans la foulée de The Crown, une autre nouveauté, Wesenwild, qui sort son nouvel album To a Material God, une sortie sur le label français Les Acteurs de l'Ombre, une sortie encore une fois très qualitative pour le label nantais. Wesenwild, duo black metal qui nous vient de Hollande, second album studio, d'où le nom de l'album, hein, tout simplement. Le premier éponyme était sorti en 2018. Pour la présentation musicale, on est sur un black très dissonant, barré, avec des atmosphères à la fois contemplatives. Au niveau des influences, on peut citer bien sûr Despel Omega, Imperial Triumphant, Svartkron et même Ulcerate. Voilà, un mélange équilibré entre agressivité et dissonance. Voilà, Ladlo a encore eu le nez creux sur cette signature, Wesenwild. The Crown, on va s'écouter le titre Motor Death, Wesenwild, le morceau A Material God. Et puis encore une fois, bienvenue dans l'émission, c'est parti. Time burn. Doublette suivante, une doublette plutôt tech dans le style, puisqu'on retrouve de nouveau le trash tech de Vector. Alors, pour ceux qui suivent bien la dernière émission, on s'était écouté un titre vraiment court et très direct. Là, on est sur un morceau un peu plus long, qui fait 6 bonnes minutes, beaucoup plus prog. Un morceau en deux parties, puisqu'on a les 3 premières minutes qui sont limite mélodiques et planantes, un espèce de mix entre le thrash de Voivode et même carrément le prog des Pink Floyd. Voilà, des lignes vocales en chant clair, etc. Et au bout de 3 minutes, ça explose complètement. Avec là, on est sur une deuxième partie de morceau, pure trash tech, bien foutu, et bien plus habituel de ce que peut nous proposer Vector. C'est donc le second extrait du split qu'ils ont sorti avec Cryptosis. Et Cryptosis, pour rappel, on s'en écoutera dans pas très longtemps. Ce split avec Cryptosis est déjà disponible. Et il s'appelle Transmission of Chaos. Et en doublette avec Vector, on va s'écouter un nouvel extrait, un premier extrait, pardon, du nouvel album de Liquid Tension Experiment. Alors, c'est clairement le genre de groupe sur lequel je me pencherai pas du tout par moi-même, mais c'est pour le coup Thibaut qui nous a alerté de la sortie de cet album. Du coup, on s'est un peu penché dessus. Donc voilà, c'est un groupe ricain, 100% instru, avec des actuels et ex-Dream Theater. C'est un peu la cour de récréation de Dream Theater, hein. Dream Theater, c'est espèce de prog un peu chiant, un peu pompeux, blabla. Là, on est sur un truc beaucoup plus groovy et fun, en fait. On sent vraiment que les mecs s'éclatent un peu plus. C'est clairement le truc le plus léger de l'émission. Ça y a cependant complètement sa place. Donc voilà, Liquid Tension Experiment, c'est plutôt ancien, puisque entre 97 et 99, ils ont sorti 2 albums. Puis ils se sont reformés en 2008, et puis de nouveau en 2020. Et là, ils sortent donc leur 3e album studio à la fin du mois de mars. Au niveau du line-up, on retrouve l'inénarrable Mike Portnoy à la batterie, Jordan Rudess et John Petrucci, bien sûr. Tous les deux actuels membres encore de Dream Theater au clavier et aux guitares. Et à la basse, ils se sont tout simplement de nouveau accoquinés avec Tony Levin, un monstre, une légende en la matière, hein, bientôt 75 ans le bonhomme. Au niveau de sa carrière, voilà, il a pu jouer avec King Crimson, Alice Cooper, et fait des sessions avec les Pink Floyd et Dire Straits. Voilà donc pour les présentations de Liquid Tension Experiment, un album 8 titres pour une grosseur de musique. Musicalement, c'est technique, c'est prog, c'est à la fois métal, des morceaux un peu plus rock. Voilà pour les présentations de la doublette à venir. Tout d'abord donc Vector Dead by Dawn. Tiens, c'est pas Decide, qui aurait sorti un titre comme ça? Du coup, rien à voir. Liquid Tension Experiment, Beating the Odds, extrait de leur second album, 3e album studio, pardon, sorti chez Inside Out, prévu le 26 mars. C'est parti. Rushing in as fire. Je l'ai pas annoncé en début d'émission, mais on a quand même quelques nouveautés pour ce dimanche. Et la doublette suivante, bah, c'est une doublette de nouveautés encore. Alors on est très très loin de la richesse musicale qu'a pu nous proposer la doublette précédente, hein, avec, pour rappel, Vector et Liquid Texan Experiment. Là, on est sur du putain de gros brutal slam death mortellement efficace, cultissime en la matière, hein, Abominable Putridity. La formation qui nous vient de Russie, qui nous sort son nouvel effort studio, le troisième album. Le précédent date quand même de 2012. Là, ils sortent Parasitic Metamorphosis Manifestation. Et au niveau du line-up, on a toujours Alexander Kobachlivy, qui fait tout, en fait. Et au niveau des voix. Là, on est sur un putain de level up, enfin level up, non pas du tout, enfin comment dire, on est toujours sur un haut niveau, pour être plus exact, puisque précédemment, on avait Matty Way, qui était bien sûr le vocaliste emblématique de Pathologie et Disgorge, la version ricaine, et là, ils sont tout simplement accoquinés avec Monsieur Angel Ochoa. Donc un autre poids lourd en la matière, puisque c'est tout simplement le vocaliste de Céphalotripsie, qui a fait également un passage dans Disgorge et dans Condemned. Donc voilà, que des poids lourds au micro de Abominable Putridity. Ce nouvel effort studio s'écoute putain de bien, il fait toujours une petite trentaine de minutes. On est sur du pur brutal slam death, hein, très très bien exécuté, inspiré même, puisque les morceaux sont assez variables, donc j'ai noté vraiment des pistes qui sortent du lot, et on en a, c'est vraiment pur Texas brutal slam death, et d'autres on est limite sur du technical brutal death. Enfin voilà, c'est vraiment hyper riche ce nouvel effort studio d'Abominable Putridity, mais beaucoup moins intelligent que la doublette précédente, hein, encore une fois. Et dans la foulée de Abominable, on s'écoutera Don Cross, une autre nouveauté pour ce soir. Don Cross, voilà, c'est un groupe biélorusse, donc on a une doublette de l'Est. C'est du black metal, c'est une formation récente qui a vu le jour 2014-2015. Après une première démo et deux albums sortis coup sur coup en 2009, un EP en 2019, pardon, un EP en 2020, donc là c'est leur troisième album studio qui sort en plus sur leur propre label, hein, tranquillement. Un BM bien frontal, bien agressif et bien agressif dans les parties vocales et au niveau des riffs, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus mélo, et c'est bien travaillé, puis ça rentre dans la tête. Donc voilà, dans le style, ça rappelle un petit peu ce que nous a pondu il y a pas longtemps Hate Forest, en moins linéaire cependant, la musique que nous propose Don Cross. Voilà, nouvelle doublette de nouveautés, Abominable Putridity Non Infinite, Infinite Sequence, on va y arriver, Don Cross to the Last Sunset at Gates of Collapse, extrait de leur troisième album studio. To the Last Sunset at the Gates of Collapse, c'est donc le titre éponyme, c'est parti. Thank you. C'est pas une doublette que l'on s'écoute ensuite, c'est le seul groupe tout seul pour ce soir. Imperium, voilà le morceau le plus long de la playlist, hein, qui dépasse les 7 minutes. On est sur un titre lent, contemplatif, vraiment dans la pure veine Doom Dark Folk. Voilà, ça permet un peu de se reposer les oreilles et le cerveau après la doublette qu'on vient de s'envoyer à Abominable Down Cross. Voilà, Imperium, histoire de poser un petit peu le rythme, extrait de leur nouvel effort studio Über den Sternen, et on s'écoutera le titre de Oaken Throne. C'est parti. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, également disponible sur le player internet de Radio Béton, et le lundi en fin de journée via notre petit blog, hein, Elbanger sur Blogspot. La suite, c'est tout simplement la glissade vers l'aspect française. Mais avant ça, on va s'écouter un extrait du nouvel album des Déceux danois de Baist. Ils sortent leur nouvel L4 Studio Necrosapiens. On l'a déjà présenté la semaine dernière, nouvelle sortie chez Century Media. Et dans la foulée, donc entrée dans l'aspect française avec un extrait du nouvel EP de Junon. C'est le nouveau nom de la formation General Lee. On est sur du post-hardcore, influence Cult of Luna. The Shadow Lantern, c'est le nom de leur nouvelle EP, sortie en autoprod. Baist tout d'abord avec Necrosapiens, titre de l'album. Et Flood Preacher, extrait du nouvel EP de Junon, ex-General Lee. C'est parti.